15-21. Observation du des. Contraction de avec les articles le et les. Révision et extension. Le Luxembourg. Le jardin du Luxembourg. Elle vient du Luxembourg. Le temps. Elle a du temps. Le sport. Elle fait du sport. Les États-Unis. Il vient des États-Unis. Les timbres. Il voudrait des timbres. Notez que « du » remplace « de » suivi de l'article défini « le » et « des » remplace « de » suivi de l'article défini « les ».